Chapitre 14. Malgré la douleur, Zélé essayait de se distraire pendant qu'ils parcouraient en sens inverse le chemin qu'Ormaïn leur avait ouvert lors de leur arrivée. Il y avait 2 jours. Un cours du pléen dispensé à Karoa avait semblé à la princesse un refuge idéal, parlé de sa langue, de choses évidentes et des biens zélés. Il lui était facile de traiter de connaissances acquises depuis son plus jeune âge. Cela ne requérait à aucun moment l'utilisation de son implant, et elle ne ressentait pas trop son absence. Mais il lui était impossible de totalement l'oublier. Afin de développer une règle de grammaire, elle confondait et doutait de simples bases. Elle recourait alors à Zoku pour confirmation, et celui-ci était presque agressé verbalement si jamais il était trop long à répondre. Karoa n'avait pas le temps de poser la moindre question, le flux de paroles continu de Zélé empêchait la moindre intervention. Bientôt, heureusement, dans quelques dizaines de mètres, ils arriveraient à la Gilgo, dont la soute abondait de pilules alimentaires, elle-même riche en dionine. Le résarque et le retour aux multitâches étaient presque à portée de main. Le couple que formaient Zélé et Karoa marchait indolemment en tête du cortège. Venait ensuite Ormaïn, qui ne cessait de marmonner des jurons incompréhensibles. La jalousie le dévorait, il en devenait malade. La boule au ventre, il gardait les bras croisés très serrés contre son torse, la tête inclinée et le regard oblique. Il n'arrivait pas à échapper à leur amourette. Si jamais il allait en tête, il les entendait. Et ce qu'il imaginait était pire que la réalité. Alors il préférait encore se trouver derrière et les voir batifoler, se tenir la main, s'adresser des regards doux et des sourires niais. Il ne supportait pas d'éprouver une telle haine envers Karoa. Il était comme son frère, et Zélé et lui n'avaient jamais été ensemble. Il s'était simplement figuré des choses qui n'avaient jamais dû exister dans le cœur de la princesse. Sa jalousie trouvait surtout son origine dans la vision d'un couple uni. Il avait cru si fort que revenir sur Nikéas lui permettrait pour de bon de percer le mystère de la disparition de son épouse et de leur enfant. Finalement, tout cela l'avait mené à revenir dans les galeries et lire un carnet abominable qui avait annihilé en lui tout espoir. Pendant toutes ces années, il avait imaginé divers sorts que sa famille aurait pu connaître, mais jamais pareille atrocité. Pourquoi les suivait-il désormais? Pourquoi retourner sur Eupléas? Plus aucune réponse n'était à trouver, et il n'était d'aucune utilité. Zoku se mettait en retrait dès que la princesse ne requérait plus ses lumières et profitait au maximum de cette dernière sortie pour encore et toujours scanner tout ce qui l'entourait. Ici un végétal, là un animal rampant. Il comptait bien recueillir le plus de données et s'enfermer des jours dans son laboratoire à son retour pour tout analyser sans répit. Observer un écosystème jamais étudié auparavant était une occasion à ne manquer sous aucun prétexte. C'était presque un devoir de scientifique, une véritable mission. Il avait peut-être l'air d'un touriste en ce qui concernait l'esclavagisme sous lequel pliait le peuple nikéen, mais il en était tout autrement pour l'étude d'espèces. Même dans les galeries, il avait continué sa collecte. Il s'était même fait houspiller par quelques résistants qui l'avaient vu tenter de couper des bouts de racines fluorescentes. Dans l'idée de sa démarche, les nikéens n'étaient pas contre, mais les racines étaient toutes interconnectées, et en couper une aurait risqué d'endommager toute la zone. À l'orée de la clairière, Karoa s'arrêta à couvert et siffla en voyant le vaisseau posé dans l'herbe. Zélé, à son côté, s'était également arrêtée, sans savoir pourquoi, occupée qu'elle était à pérorer et incapable de vraiment analyser son environnement. Le Nikéen allait s'engager dans la zone dégagée quand Zoku vint subitement le retenir par le bras. Ormaïn, qui avait accéléré le pas après s'être soudain fait dépasser par Zoku qui courait, vint voir ce qu'il se passait et ne comprit pas du premier coup d'œil. Qu'y a-t-il ? Princesse Zélé, Ormaïn, le vaisseau, on le voit, son hologramme de camouflage ne fonctionne plus, s'écria Zoku. Qu'un objet réel fût visible était tellement naturel pour Ormaïn qu'il avait oublié qu'un hologramme de camouflage avait été enclenché quand ils avaient quitté le vaisseau et que l'Agilgo s'était évanoui dans le décor. Quant à Karoa, il n'aurait jamais pu être détecté une anomalie, il se serait sans doute même étonné en arrivant à l'orée de la clairière en ne voyant rien. Au moins, on sait qu'il est toujours là, dit Ormaïn. Légèrement réveillée par l'agitation, Zélé aperçut le vaisseau. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle avait atteint la terre promise, et s'apprêta à courir vers lui, tête baissée, mais Ormaïn lui saisit vivement le bras pour la retenir. La princesse lui lança un regard noir, incroyablement surpris par l'expression qu'il disait dans ses yeux, une expression de fureur qu'il ne lui avait jamais vue auparavant, Ormaïn faillit la lâcher, mais tint bon. Le vaisseau n'est plus camouflé, Zélé. Il a peut-être été découvert. Nous devons être prudents, lui dit Ormaïn. Lâche-moi! Cria Zélé. Princesse Zélé et Ormaïn, nous allons faire le tour de la clairière pour nous assurer qu'il n'y a personne. Ensuite, nous nous rapprocherons. Quelle est la trappe de secours la plus proche? Demanda Zoukou. La demande dut être formulée plusieurs fois avant que Zélé ne finît par traduire les dires de Zoukou. Ormaïn désigna la direction de la trappe qu'ils avaient empruntée pour aller voir les camps. En cas d'embuscade, s'ils parvenaient à s'échapper, ils auraient beaucoup de chemin à parcourir avant de se trouver en sécurité. Zoukou ne doutait pas que si ce cas de figure venait à se produire, Ormaïn et Karoa n'auraient pas de difficulté à semer les mercenaires. C'était quelque chose qui leur était déjà arrivé et ils étaient habitués à la pesanteur de Nikéas. Il avait en revanche de sérieux doutes pour Zélé et lui. Ils s'essouffleraient bien trop vite. Heureusement pour eux, la zone semblait vierge de toute activité mercenaire et ils s'engagèrent prudemment dans la clairière. À peine Zoukou eut déroulé la rampe d'accès que Zélé se précipita à l'intérieur et se jeta sur l'ouverture de la soute. « Zoukou, viens ouvrir !» cria Zélé. « Princesse Zélé, un instant, s'il vous plaît. Je dois démarrer le moteur du vaisseau pour cela. Je ne dispose pas de la clé pour l'ouverture manuelle, » expliqua Zoukou. « Zoukou, eh bien fais vite !» s'énerva Zélé. Malgré ce que Zoukou venait de lui dire, Zélé tirait comme une forcenée sur la poignée de la soute. Ses pilules alimentaires étaient dans son sac qui se trouvait à l'intérieur et elle ne pouvait plus attendre, elle les voulait maintenant. Karoa, qui ne comprit pas ce qu'elle avait, préféra ne pas intervenir et s'installa dans un fauteuil, tout émerveillé par ce qu'il découvrait. Ormaïn prit place dans le fauteuil voisin et regarda Zélé d'un œil désolé. Elle lui faisait tellement de peine dans cet état. Il ne la reconnaissait plus. Tu sais, Ormaïn, quand je t'ai parlé de ta fille qui avait grandi... Commença Karoa. Quoi encore? Demanda Ormaïn. Ben, en y repensant, je trouve que Zélé a les yeux de ta fille. Makirada? S'étonna Ormaïn. Ouais, les mêmes bleus. Je sais pas hein, pourquoi, mais je me rappelle de ça. Et de ceux de Xenia aussi. Des yeux bleus et des yeux roses, au milieu des paires d'yeux jaunes, ça a dû me marquer. Pourquoi avait-il fallu que Karoa lui dît pour qu'Ormaïn s'en rendît compte? C'était donc cela qu'il avait ressenti quand il avait vu Zélé pour la toute première fois dans la grotte là-bas sur Upléas, cette sensation étrange de ce lien qui l'unissait à elle? Zélé lui avait toujours rappelé Xenia par son physique, mais pas du tout par son comportement. Il avait fini par faire abstraction de cette ressemblance avec le temps. Il ne voyait plus du tout Xenia en Zélé. Mais ses yeux bleus limpides, ils étaient exactement les mêmes que ceux de sa petite Makirada et jamais, jamais il n'y avait pensé. Cela faisait tellement longtemps, tellement d'années, qu'il n'avait pas vu sa famille, qu'il avait osé oublier le regard de sa petite fille. Ormaïn culpabilisa profondément. C'était un père indigne. Karoa vit le désarroi dans lequel il venait de plonger son ami et comprit sa détresse. Ça fait un bail, Ormaïn. T'as pas à t'en vouloir. Mais toi, tu t'en souviens bien. Justement, parce que je suis pas le premier concerné. Toi, tu penses à ta fille, c'est normal que tu l'imagines pas en voyant une étrangère sur une autre planète. T'as pas à t'en vouloir. Le réconforta Karoa. Merci. Je crois que je me suis égarée à un moment. J'ai perdu mon but de vue, mais tout est clair. Dit Ormaïn. C'est-à-dire? Demanda Karoa. Toutes ces années, j'ai continué à croire que je pourrais les retrouver toutes les deux. Et dans les galeries, on se moquait bien de moi. Après tant de temps, tout le monde disait que c'était fichu, et on me prenait pour un allumé. Confia Ormaïn. Je vais pas te dire le contraire. Mais aucun de nous n'a jamais eu de famille. Alors on sait pas ce que tu ressens. On peut pas te comprendre. Mais je crois que tu as raison de pas abandonner. Dans le carnet, c'est bien dit que mon père s'est fait descendre, mais ma mère... Xenia dit juste qu'elle est revenue, et c'était pas si longtemps avant qu'elle-même soit attrapée. Et elle a réussi à s'échapper, finalement. Il doit y avoir de l'espoir, pour Aboa. Enfin, forcément que je veux y croire. C'est de ma mère dont il s'agit. Quand je suis arrivée sur Upléas, que j'ai rencontré Zélé, une nouvelle vie s'est offerte à moi, et je me suis abandonnée à ce mode de vie. J'ai presque oublié pourquoi j'étais partie, j'ai même cru que... Moi et Zélé, dit Ormaïn. Toi avec Zélé? Minute mon gars, franchement Ormaïn, déjà Xenia, je vois pas trop comment tu as fait pour te mettre avec elle, parce que pas le genre de gars qui intéresse ce type de nana. Alors soit tu es un sacré vénard, soit elle a craqué pour son sauveur, va savoir. Zélie, comme tu dis, tu t'égares. Tu peux pas chercher ta famille et te mettre avec Zélie en même temps. Analysa Caroa. Semble que son choix à elle est déjà fait, pas vrai? Franchement, Ormaïn, j'ai insisté sur rien, ça s'est fait sans réfléchir, je sais pas. Ça passe entre nous, c'est tout. J'ai cru que c'était le lien unique, et depuis qu'on a vu Ellie jeudi, je sais plus quoi penser. Et ça me paraît pas rien. Je suis content pour vous, Kawa. Et puis, je suis bien trop vieux pour elle. Comme tu le dis, je pourrais être son père. Je dois faire mon deuil, accepter qu'elles sont mortes. Pourquoi mortes? Rien ne nous dit que les mercenaires en ont fait de la nourriture. Ce n'est pas sur Upléa ce que je découvrirai, en tout cas. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Je devrais vous laisser. Oh, tu vas pas nous faire une déprime. On se quitte plus, Ormaïn. Je me suis ennuyé sans toi. J'ai beau avoir mes potes, vivre sans toi, c'est pas drôle. On est comme des frangins, je te rappelle. On se quitte plus. Le coup de coude de Caroa provoqua un sourire sur le visage triangulaire d'Ormaïn. La jalousie était toujours dans son cœur, mais il devait simplement se faire une raison. Ça ne servait à rien de ruminer des sentiments absurdes. Il ne s'était jamais rien passé entre lui et Zélé. Il avait juste cru, un bref instant, que quelque chose les unissait et que quelque chose entre eux pouvait se construire. Ce quelque chose, c'était la ressemblance physique avec Zenia et les yeux de Makerada. Point final. Avec le temps, cette jalousie passerait. Il ne retrouverait jamais sa famille, mais peut-être découvrirait-il ce qui leur était arrivé. Il avait connu un bonheur furtif. Il devrait s'en contenter. Caroa était, c'était évident, le compagnon idéal pour Zélé. Il était charismatique, il avait l'étoffe d'un chef, l'étoffe d'un roi pour l'aider à gouverner quand elle serait devenue reine. Une secousse lui fit relever la tête vers le cockpit. Le vaisseau s'ébranla et cala. Zoku, aux commandes, semblait perdre patience. Il parlait tout seul et tapait sur le tableau de bord d'un point rageur. Il n'arrivait pas à lancer l'appareil et Zélé ne cessait de lui crier de se dépêcher de démarrer les moteurs pour qu'elle puisse accéder à la soute. Zoku, finalement, se détacha de son siège de pilote et descendit à terre pour contrôler le moteur. « Un problème, commandant ?» plaisanta Ormaïn. « Ormaïn, ne ris pas, c'est sérieux. » Bien sûr, ni Zoku ni Ormaïn n'avaient compris ce que disait l'autre. L'Upléen n'avait pas compris la question d'Ormaïn, mais ce dernier s'était tourné vers lui et avait posé la question avec une telle expression taquine imprimée sur le visage que cela avait largement suffi à Zoku pour comprendre qu'il prenait la situation à la légère. Zélé, pour continuer à hurler dans les fentes auditives de son compatriote, mit pied à terre à son tour. Privée de son implant, elle ne risquait pas de venir en aide à Zoku, mais elle pouvait toujours faire pression sur lui. Entendant les protestations grandissantes de Zélé qui n'avait plus la moindre patience, Ormaïn et Caroa quittèrent à leur tour leur fauteuil. « Garlog !» s'écria Zoku. « Il dit quoi, Ormaïn ?» demanda Caroa. « Mon implant ne marche plus non plus, je ne peux plus le comprendre. C'est un juron, je crois bien. J'en conclus que ce n'est pas bon signe. » Zoku avait ouvert le capot à deux battants situés sous le cockpit et passé sa tête dans le moteur. Caroa s'approcha de Zélé qui ne cessait de hurler pour la faire taire et l'éloigner du pilote, qui malgré tout le respect qu'il devait à sa future souveraine et son calme olympien, sentait qu'il allait commettre un acte irréparable si elle restait ainsi à lui tourner autour. « Ormaïn, Caroa, nous n'allons pas pouvoir repartir de sitôt, » dit Zoku. « Si seulement nous arrivons à partir un jour, les moteurs sont complètement envahis d'humidité, et il y a même de la végétation qui s'est développée à l'intérieur. Ça pousse tellement vite ici. Je n'ai pas pensé à cela, mais à l'évidence, le gigot n'est pas fait pour les climats humides. » Il y eut un bruissement de feuilles à l'autre bout de la clairière, et avant que l'un donnait le temps de se retourner pour voir de quoi il pouvait s'agir, ils étaient entourés de 5 mercenaires armés. Zoku revit son évaluation précédente sur leur chance de quitter les lieux à zéro. Les mercenaires les tenaient en joue et rien à bord du vaisseau n'aurait pu leur être du moindre secours. Résignés, Caroa, Ormaïn et Zoku levèrent les bras en l'air. Caroa avait placé Zélé entre lui et Ormaïn et elle ne semblait pas prendre conscience de la gravité de la situation. Elle avait toujours un regard haineux tourné vers Zoku, qu'elle accusait, entre deux grossièretés, de ne pas faire de son mieux pour faire démarrer le vaisseau. Qu'il s'acharnait contre elle, sa future souveraine, et que des ennuis l'attendaient à leur retour sur Upléas. Au milieu du petit peloton éclectique de mercenaires, se tenait leur supérieur. Il parlait nikéen, mais n'avait pas toutes les caractéristiques physiques d'un natif. Le chef à la peau marron terne et aux yeux noirs comme des cônes d'encre, passa en revue les quatre prisonniers alignés devant lui. Il observa attentivement Zoku, et son visage exprima l'étonnement le plus flagrant. « Un Upléen. Un vaisseau Upléen et son pilote. Depuis quand les Upléens viennent-ils faire du tourisme ici ?» Zoku gardait la tête baissée, le cou enfoncé dans les épaules. À quoi bon soutenir le regard de quelqu'un parlant une langue incomprise ? Le supérieur arriva à la hauteur d'Ormaïn et le toisa d'un air narquois. « Un Nikéen, voilà qui est mieux. Il fait moins tâche dans le décor. C'est un véritable nabo. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie ? Les tris ne sont-ils pas supposés être faits, Nisocreg ?»« Oh, navré, commandant Irgos. Tu as raison, c'est un nabo. On les élimine d'habitude. » « Ne l'appelle pas nabo, Nisocreg, tu en es un. » se moqua Irgos. « Ah ah, tu as raison, je suis d'un nabo. » Il est de taille réglementaire, tu devrais t'en être rendu compte, Nisocreg, au lieu d'acquiescer stupidement à tout ce que je dis. De la taille réglementaire, oui, absolument, commandant Irgos. Ormaïn encaissa les moqueries sans broncher. Il évita aussi de se défier le regard noir du commandant. Il préférait faire profil bas, pour le moment, et voir la tournure que prendrait la situation. Le commandant Irgos se tint ensuite face à Zélé. Elle tremblait de tous ses membres, transpirait par-dessus l'humidité naturelle de sa peau, et souleva à peine la tête quand elle sentit une présence en face d'elle. Elle bascula plus la tête sur le côté pour l'observer d'un seul œil. Il allait parler, se ravisa, prit le temps de la scruter attentivement pour déclarer. « En voilà une qui n'a pas l'air dans son assiette. Néanmoins, tu es très charmante, ma chère. Vous l'emmènerez dans mes appartements tout à l'heure. » Tous les mercenaires acquiescèrent à l'ordre de leur chef et ricanèrent avec lui. Irgos se plaça ensuite devant le dernier de la ligne, Karoa. Il le toisa de bas en haut, un long moment, en silence. Zoku et Ormaïn observaient la scène sans trop comprendre, mais une certaine appréhension les habitait. Zélé leva un regard délavé sur les deux mâles qui se tenaient face à face, droits. Karoa était plus large d'épaule et plus musclé en général que le commandant légèrement ventripotent. Karoa était aussi bien plus grand, aucun mercenaire ne dépassait son menton. Tiens, mais qui voilà? C'est bon d'enfin de se voir de près, lui dit Irgos. Je crois pas, non, lança Karoa. C'est bon pour moi, je veux dire, bien évidemment. Pour toi, je pense que ça va être moins drôle. Le commandant observa les cicatrices qui parcouraient le torse de Karoa, et celles, fraîches, sur sa joue. La dernière fois, on n'était pas loin de t'avoir. Tu vois, petit à petit, on remonte et on touche au but. La preuve, te voilà coincé. Ne compte pas sur moi pour te laisser t'échapper une nouvelle fois. Non, ça ne risque vraiment, vraiment pas d'arriver. Lui dit Irgos. Les derniers mots avaient été prononcés sur un ton si effroyable qu'Ormaïn et Zoku sentirent tout de suite le danger imminent, et même Zélé fixa de son regard trouble Irgos. Il ordonna à ses soldats d'attacher les prisonniers les mains dans le dos. Ormaïn et Zoku obtempérèrent. Zélé se débattit, mais les forces lui manquaient pour mener une véritable lutte, et ses gestes désespérés amusaient plus qu'autre chose le mercenaire, qui s'occupait d'elle. Karoa fut ligoté à son tour. Il ne bougea pas, mais continua toutefois de défier Irgos du regard. « Mon pauvre gars, si seulement tu savais à quel point tu me fais pas peur. » Karoa suffisait bien du ton hautain et dominateur qu'empruntait ce Irgos, ce misérable mercenaire. Il l'avait défié plusieurs fois de loin, dans ses nombreuses escapades interdites à la surface. Il partait à la recherche de quelques mercenaires, effectuant une ronde en petits groupes et les narguait. Souvent, ce commandant était parmi eux, et c'était vrai, c'était lui qui lui avait donné le plus de fil à retordre. Les autres mercenaires lâchaient la poursuite au bout de quelques dizaines de mètres. Mais celui-là, Irgos, ne le laissait pas filer si facilement. Il le poursuivait longtemps, et il n'hésitait pas à faire feu. La plupart des cicatrices que Karoa avait sur le corps provenaient uniquement des blessures qu'Irgos avait réussi à lui causer à distance. La dernière était celle qu'il avait sur la joue. Le laser de son arme était passé au ras de son visage. Il avait senti la chaleur du tir et la brûlure de la chair ouverte. Ce mercenaire, ce petit chef, ne perdait rien pour attendre. Ses beaux discours ne l'épargneraient pas. Peut-être que pour le moment, Karoa avait les poings liés et qu'il était démuni. Mais il aurait sa revanche contre ces sales esclavagistes. Il se ferait un plaisir de commencer par s'occuper de la peau de ce minable petit commandant. Pendant la fraction de seconde où Karoa s'était imaginé la concrétisation de ses désirs de justice, Irgos, de son côté, avait dégainé l'arme qu'il tenait à sa ceinture et lui avait tiré dessus, en plein ventre. La brûlure qu'il avait ressentie sur la joue la dernière fois n'était rien comparée à celle-ci, à la brûlure, la déchirure causée par un impact frontal d'un tir laser concentré effectué à 20 cm de la cible. Un trou dans l'abdomen. Karoa s'effondra au sol, le regard vide, le corps agité de soubresauts grotesques qui s'atténuèrent jusqu'à l'immobilité. Zélé cria et se jeta à genoux, au sol, et une fois là, devant le corps gisant de Karoa, elle ne fit rien. Les mains attachées dans le dos, ses larmes silencieuses sur son seul moyen de contact avec le corps. À cet instant, sans qu'elle ne le réalisât, la douleur du manque éprouvée par l'implant ne se faisait plus ressentir. La tristesse et la détresse avaient remplacé tout autre sentiment et sensation en elle. Elle ne put murmurer qu'un simple « Karoa ». Irgosh fit un signe de tête et le mercenaire qui avait lié ses poignets plus tôt la releva. Les jambes flageolantes, elle ne pouvait plus tenir. Elle allait s'effondrer à nouveau. Mais Ormaïn la retint, avec son épaule, et elle s'appuya contre lui. Ses sanglots ne stoppèrent pas, et Ormaïn sentit toute la moiteur de ses larmes imbiber son gilet. « Ma parole, c'est un coup double. Me voilà débarrassé d'un rival, on dirait. Ne pleure pas, ma chère. Je t'apporterai tout le réconfort dont tu as besoin. En route !» dit Irgosh. Chacun sous la garde d'un mercenaire, ils furent conduits jusqu'à un aéro-jeep, prirent place dans l'espace arrière encagé. Irgosh prit les commandes, les autres s'accrochèrent aux barreaux, les membres postérieurs prenant appui sur ce qu'ils pouvaient. La route finit par laisser poindre une forteresse troglodytique. Les fenêtres munies de barreaux trouaient la large façade qui s'étalait sur 40 mètres environ, et de grands hangars béants écartaient la roche au ras du sol. De l'extérieur, on pouvait connaître la limite de son déploiement, mais jusqu'à quelle profondeur dans la roche s'enfonçait-elle encore? Dans un endroit pareil, l'optimisation de l'éclairage de la lumière naturelle ne devait pas être une priorité. Arrivés à l'entrée, les mercenaires déchargèrent les prisonniers. Irgosh leur indiqua où conduire qui. Il chargea ensuite Nisocreg d'un nouveau travail. « Va voir la source et préviens-le de la capture d'un Nikéen et d'un Nupléen. » Un seul Nikéen ? Commandant Irgosh ? Tu es sourd ? En plus de ne pas savoir parler ? Irgosh saisit l'Aldorion par la peau du dos et le jeta vers son scooter. L'animal ne put se réceptionner correctement, ses courtes pattes ne le lui permettant pas. Il se tordit la cheville en tombant sur le côté. Il entendit son commandant rire quand il eut poussé un cri de douleur en se relevant. Nisocreg fit profil bas et enfourcha le petit bolide à sa taille, pour filer à toute vitesse au travers des arbres, pour porter le message. Le meurtre net de Karoa et la capture de Zélé n'étaient pas à mettre au rapport. Poussés vivement par leur détenteur, les prisonniers longeaient un long corridor humide qui les éloignait de plus en plus de la façade de la forteresse et, de ce fait, de la sortie. Ils s'enfoncèrent encore et encore. Il n'y avait aucune porte. Les murs étaient faits de roches brutes. L'éclairage lugubre provenait de néons mal fixés au plafond, dont les branchements étaient apparents. Au bout du couloir, une porte ouvrait sur un escalier. Zélé dut prendre celui de gauche qui montait. Ormaïn et Zoku prirent celui de droite qui descendait. Désespérée, la princesse regarda ses deux compagnons emmenés loin d'elle. Elle avait compris ce qui l'attendait, mais eux, qu'allait-il leur arriver? Ormaïn voulut lancer un regard rassurant à Zélé, mais il ne fut pas sûr d'avoir été très convaincant. L'absurdité de ce voyage frappait Zélé en de plein fouet. Tout ce qu'elle aimait était en danger à cause d'elle. Karoa était même mort à cause de son imprudence. Pourquoi n'avait-elle pas attendu le retour de Mimisha pour prendre une décision sur ce voyage? Peut-être que Mimisha allait revenir avec toutes les informations nécessaires sur Nikéas. Tout ce qu'ils venaient de découvrir avec leur excursion kamikaze figurait peut-être déjà dans les travaux des parents de la Terrienne. Et tout ça, tous ces risques encourus, n'auraient servi à rien. Elle avait demandé à Mimisha de partir seule dans l'univers à la recherche de données. Elle savait que ce périple était difficile pour sa servante, qui n'avait voyagé dans la galaxie qu'une seule fois. Bien qu'Ormaïn eût manifesté une grande impatience, n'était-elle pas supposée devenir reine? N'était-elle pas supposée savoir imposer ses décisions? Elle avait stupidement cédé, sans réfléchir. Et à cause de cette pure imprudence, quelqu'un était mort. Ses deux compagnons étaient en danger imminent. Et Mimisha... Zélé ne pouvait qu'espérer que tout alla bien pour elle. Allaient-ils tous mourir ici, loin du Pléas, oubliés à jamais? Personne ne saurait ce qui leur était arrivé. Si jamais Misha faisait le rapprochement, la croirait-on seulement. Et tout ça, toute cette installation mise en place pour exploiter Nikéas n'était pas nette. Comment Upléas pouvait ignorer que cette planète abritait la vie? Pourquoi les simulations de visite sur l'implant étaient-elles fausses? La reine d'Inuma ne pouvait pas ignorer ce qui se passait ici. Et le carnet de Xenia, rédigé en langue upléenne, Upléas et Nikéas avaient nécessairement une histoire commune. La princesse dut grimper 1, puis 2, puis 3, puis 4. Puis elle perdit le compte. Étage. La cage d'escalier était identique, tout comme la porte, à chaque niveau. Aucun panneau n'indiquait où l'on se situait. Enfin, les deux mercenaires, au lieu de la faire tourner pour monter de nouveau l'escalier, la dirigèrent tout droit. Ils poussèrent la porte et la firent de nouveau longer un couloir. Il était moins lugubre et moins étroit que le premier. Le sol était propre, les néons étaient mieux fixés et de meilleure qualité. Leur éclairage ne piquait pas les yeux. Ils se rapprochèrent d'une magnifique double porte, richement décorée. L'un des mercenaires tourna le verrou et ouvrit un battant. L'autre détacha les liens autour des poignets de Zélé et la poussa à l'intérieur de la pièce. La porte se referma et le bruit dans la serrure lui fit comprendre que l'issue était verrouillée.